Bon, alors on a tener, qui au passé du point donne tuve. Estar, qui donne estuve. Et maintenant, ajoutons un autre. C'est haber, qui donne ube. H-U-B-E. Ube. Donc, j'ai eu, si c'est un point dans le passé, c'est ube. Hein? Ube avec je et ubo avec il, elle ou usted. Alors, ils ont eu, au passé du point, ça sera hubieron. Hubieron, c'est ça. Alors, comment direz-vous si je l'avais vendu, parce que après si, on va avoir le subjonctif imparfait qu'on obtient à partir de la forme avec il ou elle au pluriel, du passé du point. Alors, comment direz-vous ça? Si. Si hubiera. D'accord. Hein? Si hubiera, alors, si je l'avais vendu. Si. Si lo hubiera vendido. Si lo hubiera vendido. Si lo hubiera vendido. D'accord. Hein? Si lo hubiera vendido. Si je l'avais vendu. Comment direz-vous? Si je l'avais vu, je l'aurais acheté. Si je l'avais vu. Si lo hubiera. Si lo hubiera. Visto. D'accord. Si lo hubiera visto, je l'aurais acheté. Habría. Je l'aurais acheté. Lo habría comprado. D'accord. Alors, dites-le-moi à nouveau. Si je l'avais vu. Si lo hubiera visto. D'accord. Si lo hubiera visto, je l'aurais acheté. Lo habría comprado. D'accord. Si lo hubiera visto, lo habría comprado. Si je l'avais vu, je l'aurais acheté. Donc, vous voyez que hubiera est beaucoup employé après si. Comme par exemple pour dire si je l'avais su. Tiens, comment direz-vous ça? Ou prenons plutôt s'il l'avait su. C'est la même forme. S'il l'avait su, il l'aurait dit. Si. S'il l'avait su. Si lo hubiera. Ça. Si lo hubiera. Et il vous faut maintenant plonger. Si lo hubiera. Ce dans quoi vous plongez, c'est. Bon. Prenons. Si je l'avais acheté, qui se dit. Si hubiera comprado. Si lo hubiera comprado. Vous plongez dans ado ou ido. Ido. Alors, si je l'avais su. Si lo hubiera. Si lo hubiera, qui vaut aussi pour s'il avait su. Et quand il s'agit de plonger, il n'y a que quelques exceptions. D'accord. Donc là, ça sera tout simplement. Si lo hubiera sabido. Bien sûr. Si lo hubiera sabido. S'il l'avait su. S'il l'avait su, il l'aurait dit. Encore une fois, s'il l'avait su. Si lo hubiera. D'accord. Si lo hubiera et maintenant, vous plongez. Sabido. Bien. Si lo hubiera sabido, il l'aurait dit. Il l'aurait. Habría. Il l'aurait dit. Lo habría. Dit. Dicho. Dicho. Hein? Hecho et dicho. Ce sont nos deux amis inséparables. Alors, il l'aurait dit. Lo habría dicho. D'accord. Lo habría dicho. Si lo hubiera sabido, lo habría dicho. Hein? S'il l'avait su, il l'aurait dit. Donc, à partir du passé du point, qui se termine en ron, vous obtenez le subjonctif imparfait en ra. Alors, pour dire, si je vous disais « a usted », on dira « si les de... » Comment dit-on « ils m'ont dit » au passé du point? Je m'y perds un peu. Bon, comment dit-on « j'ai dit » au passé du point? Dije. D'accord, dije. Alors, « ils ont dit » au passé du point? C'est celui où on ne met pas le « i », c'est ça? Voilà. Hein? Effectivement, c'est ça. Dijeron. Dijeron. Hein? Tout à fait. Donc, au lieu de dijeron, c'est dijeron. Hein? Donc, à partir de là, vous pouvez me dire si je vous disais, hein, à usted. Si les dijera. Si les dijera, oui. Hein? Et ils ont fait, au passé du point. Hicieron. Hicieron. Hein? Hicieron. Alors, si je le faisais, hein, là encore, vous allez employer le subjonctif, hein, le subjonctif imparfait, ça se dit si lo hiciera. Hiciera. Hein? Si lo hiciera.